Les images de la fête à laquelle il avait assisté se représentèrent à son souvenir et contrastèrent avec le spectacle de ce lit de mort. Bianchon reparut soudain. « Dis donc, Eugène, je viens de voir notre médecin en chef, et je suis revenu, toujours courant. S'il se manifeste des symptômes de raison, s'il parle, couche-le sur un long sinapisme, de manière à l'envelopper de moutarde, depuis la nuque jusqu'à la chute des reins, et fais-nous appeler. »« Cher Bianchon, » dit Eugène. « Oh, il s'agit d'un fait scientifique, » reprit l'élève en médecine, avec toute l'ardeur d'un néophyte. « Allons, » dit Eugène, « je serai donc le seul à soigner ce pauvre vieillard, par affection. » « Si tu m'avais vu ce matin, tu ne dirais pas cela, » reprit Bianchon, sans s'offenser du propos. « Les médecins qui ont exercé ne voient que la maladie. Moi, je vois encore le malade, mon cher garçon. » Il s'en alla, laissant Eugène seul avec le vieillard et dans l'appréhension d'une crise qui ne tarda pas à se déclarer.